Join me on RIG. RIG. Oh, l'anarchiste, il raconte toujours de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez vous aussi, parce que Facebook a évolué et elle m'a donné des statistiques, cette charmante Facebook. On est écouté partout dans le monde, alors quelquefois il y a une personne dans un pays, en Chine par exemple, je ne sais pas qui. Au Japon, je crois savoir, je ne mets pas son nom sous les yeux, mais on a déjà conversé en anglais. Et puis alors, il y en a 600 et quelques en France, il y en a en Belgique, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis, une vingtaine, il y en a au Canada, il y en a partout. C'est fantastique, merci à vous, continuez à en parler autour de vous. Il y a même des restaurants, tiens, qui nous écoutent. Par exemple, à Bordeaux, à Talence pour être exact, il y a le restaurant Twist & Crêpe au 329 cours de la Libération qui écoute tous les mercredis soirs en direct la saga des Fab Four. Salut à vous toutes et à vous tous. Aux clients d'abord, évidemment, et puis à Fabrice, à Bachir, à Arnaud, à... j'avais noté, mais j'ai oublié. Ganaël, Anaël, quelque chose comme ça. Et puis à Madeleine, évidemment, voilà. Bon, si on parlait de ce qui nous fait venir ici, on va rendre hommage à la reine. Les deux premiers disques, vous vous en doutez, le premier était en 69, le deuxième en 2003, pardon. L'un par Paul McCartney, l'autre, enfin les Beatles, l'autre par Ringo Starr tout seul. L'album de la semaine, c'est Why Not, sorti en 2010. Pourquoi pas, hein ? On écoutera ça. On écoutera Peace Dream, on écoutera The Other Side of Liverpool. Il y aura également Walk With You avec Paul McCartney, Ringo Starr avec Paul McCartney. Toujours agréable. Everyone Wins, Why Not et Can't Do It Wrong. Ce sera pour cet album-là. Il y aura également du Lennon, des Beatles et tout ça. Lennon, par exemple, Real Love, qu'on écoutera également avec la version Beatles, mais la version de Lennon lui-même sur l'anthologie Once Upon a Time en 98. Et puis il y aura du Harrison et plein d'autres choses. Mais le générique se termine, donc je ne vais pas plus loin. Tout d'abord, elle a fait 70 ans de règne et elle est morte cette semaine. Hommage à Madame la Reine par les Beatles d'abord et ensuite Ringo Starr. Bonne soirée à vous toutes et bye bye Elisabeth II. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. And shoot! 1, 2, 3. Help me, Captain, help me. puisque John Lennon parlait de lui dans ses chansons. Moi, il m'arrive de parler de moi dans mes émissions. Mes deux sœurs, Isabelle et Françoise, sont parties en Angleterre pour rendre hommage à Elisabeth en suivant le cortège. Donc, je sais qu'elles sont là-bas et je leur fais une grosse, grosse bise depuis les studios de Blanquefort, de la saga des Fab Four. Peace Dream, le premier extrait. Vous le savez certainement, n'appelez plus Ringo Starr Ringo Starr, mais Sir Ringo, puisque le batteur des Beatles a été anobli par le prince William. À l'époque, la cérémonie s'est déroulée au palais de Buckingham, une reconnaissance royale 21 ans après celle accordée à Paul McCartney par la reine. Il a dit qu'il la porterait même au petit déjeuner. Et à 77 ans à l'époque, il en a 82 maintenant, Ringo Starr montrait fièrement sa médaille d'anoblissement. L'ancien batteur des Beatles peut désormais se faire appeler Sir Richard Starkey, d'après son nom d'état civil. Il a été fait chevalier à Buckingham Palace, adoubé par le prince William. On a parlé de musique, a confié le batteur. Le prince William m'a dit qu'il adorait les Beatles. Moi, je l'ai félicité sur son futur bébé. Je lui ai dit que je savais de quoi je parlais, puisque j'avais eu 3 enfants. J'aurais aimé que tous les Beatles soient là aujourd'hui. John et George me manquent, a-t-il dit à l'époque. Et puis j'ai parlé de Paul McCartney. Donc McCartney, il a été avec les autres Beatles, membre de l'ordre de l'Empire britannique en 64, par la reine. et anobli par la reine en décembre 96, le 31 décembre quasiment 97, pour ses services rendus aux arts. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux légendes-là qui restent des Beatles. Voici Real Love version John Lennon, puis Real Love version les Beatles plus John Lennon. Vous avez compris. Some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys Galet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Galet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. La magie des Beatles. John Lennon tout seul a fait une belle chanson. Les quatre ensemble ont fait une chanson encore meilleure. Il y a du monde dans ce hall. On doit être à Central Station peut-être. En tout cas, vous êtes sur RIG 90.7 et le mercredi soir, c'est la radio des Beatles. Where room Quel dommage que Paul n'ait pas envie de chanter cette chanson sur scène parce que elle est drôlement bien. Vraiment, vraiment très très bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. Savez-vous pourquoi je vous ai proposé cette chanson? Eh bien parce que ils vont sortir bientôt le coffret, enfin, le coffret Revolver avec Taxman bien sûr. Et aussi c'était pour souligner le fait que c'était la première fois que George Harrison était en premier au niveau du vinyle, la première chanson. Parce qu'en général, à l'époque, je veux dire, parce que maintenant, avec tout ce que vous avez comme moyen, enfin tout ce qu'on a, parce que je fais partie aussi, on peut écouter la troisième, la dixième, la quinzième chanson tout de suite, mais avant, on écoutait la première chanson, et souvent, si la première chanson nous plaisait, on achetait le disque. Là, ben, c'est Taxman qui a débuté. Et au départ, Gil Martin, le fils de George Martin, avait dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de Revolver et de Rubber Soul parce que c'était trop compliqué par rapport aux moyens d'enregistrement de l'époque. C'était trop compliqué d'arriver à en faire un bon mix. Apparemment, il a changé d'avis puisque on va avoir ça et on attend ça vraiment avec une grande impatience. On a écouté à peu près tout le monde, les Beatles, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison. Ah non, pas George Harrison, ce sera pour un petit peu plus tard. On a écouté McCartney aussi, donc il est temps pour moi de vous parler de celle qui m'alliance tout, enfin celle grâce à qui vous pouvez tout savoir sur les Beatles, c'est Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. Et le deuxième extrait de l'album de la semaine, The Other Side, non, si, si, The Other Side of Liverpool, Ringo Starr sur l'album Why Not, sorti en 2010. The other side of Liverpool is cold and damp. only way out of there. Drums, guitar and amp. The other side of Liverpool, where I came from. My mother was a barmaid. At the age of three, my father was gone. Dave, if you're listening, well, you know what I mean. It was you and Brian Briscoe. Got me through my early teens. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool, you just had to laugh. We had to go to Stevel Street just to take a bath. The other side of Liverpool, we used to play for free. They'd give us lukewarm beer to keep us sweet. Eddie, Roy and me. And Roy, if you're listening, thanks for all you've done. It was you and me on the factory floor when rock and roll had just begun. That was the other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. The other side of Liverpool. Appreciate the Facebook, Yann écrit « Victor adore cet album, il a littéralement usé le CD ». Moi, je dois avouer qu'au contraire, j'ai mis du temps à rentrer dans ce CD-là parce que Paul partait dans tous les sens, dans tous les styles. Et au départ, je trouvais ça bizarre. Eh bien, je trouve qu'avec le temps, j'adore toutes ces chansons-là. Elles sont vraiment très, très, très, très bonnes. C'était en 2013 sur l'album « New ». Six. so late in the morning of November. She was loading up a wagon in the rain. She said she'd be back in the morning, but she never came through here again. I'd see her in the market. She never had much to spend. These days the market's an old parking lot, and she never came through here again. Maxine, Maxine, Maxine, Maxine. Time plays tricks on your memory. It's been a long weekend. She said she'd be back here by Monday, but never came through here again. Some say your soul surrendered, and someone took her in. They found her blue Ciroccy on the ground, and she never came through here again. Was a photo of a woman on a llama, but she never came through here again. And if you should see her, she may be old by then. Tell her that I miss her, and if you'll ask her when she ever come in through here again. Ce n'est pas tout à fait George Harrison, c'est George Harrison avec Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty et Bob Dylan sur leur premier album. L'album s'appelle Traveling Wilburys Volume 1, ils sont pas foulés. Et le titre de la chanson que vous venez d'entendre, c'est Maxine. Tout à l'heure, on a écouté deux versions de Real Love. Vous savez que quand je passe Real Love, j'aime me rappeler le moment où j'ai été obligé de sortir de la rocade bordelaise, d'arrêter ma voiture sur un coin et de pleurer parce que j'entendais pour la première fois depuis 304 ans la voix de McCartney se mettre sous la voix de John Lennon dans cet extraordinaire Free as a Bird que voilà. ever happened to the life that we once knew? Always made me feel so free. Avec la règle des si, on refait le monde. Si John Lennon était resté en vie, ils auraient pu nous faire un album entier de ce genre-là en 1995 et puis sortir aussi les anthologies. Mais un album entier avec des chansons comme Free as a Bird, comme Real Love, comme Now and Then et puis d'autres, ça aurait été extraordinaire. Et puis, tiens, petit coup de gueule. C'est rare que je fasse des petits coups de gueule, mais... Les Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George. Et non pas, comme certains journalistes ont dit, les Fab Four, c'est le prince William, le prince Harry et les femmes de chacun. Non. Il y a que quatre Fab Four. John, Paul, George et Ringo. Voici Ringo et Paul McCartney ensemble sur l'album de la semaine Why Not et cette chanson Walk With You. does it take? I don't have time, and what time remains? Well, I have just tried to explain, blue bayou. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer, and it is real. I'll always be there beside you. Je suis toujours très heureux quand j'arrive à vous prouver que Ringo Starr est également un artiste de talent et qu'il a fait de belles chansons après 1970, après la séparation des Beatles. Et j'aimerais bien aussi, puisque bon, ils commencent à être très âgés tous les deux, Ringo et Paul, qu'ils fassent régulièrement des duos comme ça, parce que ça fait plaisir de les entendre tant qu'on peut les entendre. Après, il n'y aura plus que des regrets. Voici une chanson que j'emporterai sur une île déserte avec toutes les autres chansons des Beatles, mais curieusement, alors que mon idole absolue, c'est Paul McCartney, la chanson qui sort du dessus, c'est celle-là, vous la connaissez sur l'album blanc. While My Guitar Gently Weeps, dans la saga des Fab Four numéro 533 sur RIG 90.7, la radio des Beatles. parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? She's not a girl who misses much. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Faire plaisir avec deux lives. Dans le premier, c'est le Dirty Mac. Il y a John Lennon, il y a Keith Richards, il y a Eric Clapton dans le Rock'n'Roll Circus en 1968. Le second, ce sera Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band et With a Little Help from My Friends à la suite. Sauf que c'est McCartney qui avait invité Ringo Starr sur scène, et donc ils le font vraiment à la suite ensemble, et donc deux lives qu'il ne faut pas rater sur RIG. Girl, you know the reason. Girl, you know the reason. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. My bones feel so suicidal. just like Dylan's missing you. Girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind. Blue mist round my soul. Feel so suicidal. Even hate my rock and roll. I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. I saw a couple of American guys who said to me, you don't understand the impact of that Ed Sullivan show on America. So it like changed a lot of people's lives, you know. J'ai rencontré des gens qui ont dit, vous n'avez pas compris l'impact du Ed Sullivan show sur les Américains. I thought it was time we showed up. Quand ils sont arrivés, ça a été quelque chose d'extraordinaire. got on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Because you're on your own. No, I get high with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. It happens all the time. What do you see when you turn out the lights? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. I just want someone to love. Oh, I get high with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. A little help from my friends. Il est marrant, Ringo, quand même, parce que lorsqu'il chante « With a little help from my friends » en tournée, cette dernière note, il ne la pousse jamais. Il laisse les chœurs le faire. Et là, parce qu'il a vu Paul à côté de lui, je l'ai vu en vidéo, il a poussé la note parce qu'il a confiance. Paul le booste, quoi, si vous voulez. C'est son pote. Ils ont quand même un paquet d'années d'amitié, quand même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vécu des vies que nous ne vivrons jamais, je pense. Même si je suis encore à la radio à l'âge de 80 ans, eh bien, c'est un peu pareil. En tout cas, cette émission a été créée en 1984 et donc dans deux ans, en 2024, on fêtera les 40 ans. J'espère que la radio sera encore là, j'espère que je serai encore là, j'espère que vous, vous serez encore là. En attendant, voici l'album de la semaine. L'album, c'est Why Not, pourquoi pas, de Ringo Starr en 2010 et ce titre, Everyone Wins, sur RIG. Will we ever learn what makes the world go round? Now it's our concern, we still return to the same old ground. Nothing is new under the sun, but things will get better when we all are one. We'll play a different game. Harmony is fine, but after a time, well, the key must change. Open your eyes, don't lose your way. Remember today, everyone wins. The light that's shining out from you will touch everything that you see. Everyone wins. You reach into the silence, you will find it's the time to believe. Take care of yourself, there's no mystery. understand, everything's planned, it's more than you and me. Magic may come, magic may go, it's not the end of the show. Everyone wins. The light that's shining out from you will touch everything that you see. Everyone wins. You reach into the silence, you will find it's the time to believe. One day you will find the doubts you had are taken. The light that's shining out from you will touch everything that you see. Everyone wins. You reach into the silence, you will find it's the time to believe. Et c'est le moment de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par vous ou par quelqu'un de connu. Et là, nous allons rendre hommage à quelqu'un qui est disparu et qui a été un fantasme pendant très très longtemps pour beaucoup de monde, dont moi. Blonde, elle a joué dans Grease, elle a joué dans plein d'autres films, Xanadu et puis d'autres. Elle s'appelait Olivia Newton-John. Elle avait une voix aussi belle que sa tenue et que c'est une très très très très très belle femme. Avec un petit air mutin. Et je vous propose une cover des Beatles qui date de 1976 sur l'album Come On Over. Voici The Long and Winding Road par Olivia Newton-John sur RG. Quelle belle voix, quelle belle femme, quelle tristesse de la savoir partie déjà. Bye bye, Madame Olivia Newton-John. La chanson suivante, c'est, vous savez, les fils d'eux, les ressemblants à, etc. Mais là, c'est bien un fils d'eux. Et j'ai appris récemment, vous rendez compte, j'aime les Beatles depuis au minimum les années 80. Et ce n'est que récemment que j'ai appris que Julian Lennon a fait transformer son nom, justement parce qu'à l'origine, il s'appelle John quelque chose, Julian Lennon. Vous savez, l'habitude chez les Anglais, de le premier garçon a le même prénom que son père. Eh bien, je l'ignorais. Et maintenant, il s'appelle officiellement Julian d'abord, en premier prénom. Donc, Julian Lennon nous sort un nouvel album, et l'album s'appelle Jude, et le titre que je vous propose, c'est le premier titre sorti, c'est Save Me sur RIG. de John Lennon en 1980. Chanson que vous me permettrez de dédier à Alexandra Pouliadou. Vous savez très bien que je le fais à chaque fois que je passe cette chanson-là. Ça nous rappelle quelque chose à tous les deux. J'espère qu'un jour elle entendra. Grosse bise, Alexandra. Et voici Paul McCartney avant de retrouver Ringo Starr et l'album de la semaine. Paul McCartney sur son dernier album en date. L'album s'appelle 3, puisque c'est le troisième qu'il fait tout seul. Il a d'abord fait McCartney au sortir des Beatles. Il a fait McCartney 2 lorsque il a laissé tomber les Wings. Enfin, laissé tomber, c'est une façon de parler. Et quand il s'est retrouvé, comme nous tous, confiné, il a fait McCartney 3. Voici un extrait, Seize the Day, dont le refrain, je trouve, est très Beatles. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos content frozen ice when the cold. L'album de la semaine, c'était Back to the Egg en 1979. Vous savez que c'est un album que je considère comme un chef-d'œuvre et je n'avais pas pu vous passer toutes les chansons. Il en manquait au moins une, par exemple celle-ci. Imaginez-vous dans un bar avec quelqu'un que vous aimez et puis cette chanson-là. Je parle fin de soirée, quoi. Baby's Request. Superbe chanson, douce voix de Paul. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest, but you could bring back memories departed by playing my baby's request. You're the one that really knows, so go ahead, just one more time and then we'll go to bed. Ooh. when the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Mm-hmm, play me my baby's request. Alors, comme vous êtes des personnes gentilles, vous n'avez pas osé me dire, mais on a très peu entendu de George Harrison aujourd'hui, Thierry. Pourquoi ? Et parce que je vous les avais réservés pour la fin. Voici une suite presque ininterrompue de George Harrison. On commence par Poor Little Girl sur RG. évidemment, quand il dit Dear One, il parle à celui qui est en haut. C'est pas ça qui m'intéresse dans les paroles. Ce qui m'intéresse, c'est la musique, là, l'orgue, je sais pas trop ce qu'il joue derrière en contrepoint, mais j'aime beaucoup la rythmique que ça donne quelque chose de très très bien. C'est une chanson qui n'est pas connue, sauf par ceux qui écoutent la saga des Vapeurs, et justement, c'est ce que j'aime faire, j'aime vous proposer des chansons que vous connaissez, et j'aime vous faire découvrir des chansons de George Harrison, des chansons de Ringo Starr, et pourquoi pas des chansons de Lennon ou McCartney que vous ne connaissez pas. En voici une autre, mais celle-là, vous devriez la connaître. C'est sur l'album All Things Must Pass de George Harrison, mais c'est le remix de 2020, donc déspectorisé. The Art of Dying sur RIG. Devant le mur de son qu'avait fait Phil Spector, on entend des musiques en plus, on entend des sons en plus. Vraiment, vraiment, quand on prête l'oreille, c'est vraiment très, très, très bien. Allez, on revient une dernière fois à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Why Not de Ringo Starr en 2010. Et le titre du morceau de ce soir, c'est Can't Do It Wrong. J'ai essayé de le prononcer à l'anglaise en disant can't. Don't have the map, but I can't be afraid to go on. Cause as long long as I'm doing it, I can't do it wrong. I hear the birds when I open my eyes. It sounds like music is part of my life. It's a song. And as long as I'm singing it, I can't sing it wrong. We think sometimes the choices that we make will break our hearts, but there are no mistakes. When I'm honest, here's what I've found. Love is the answer, and the answer is coming on strong. As long as I'm giving it, I can't give it wrong. Get nowhere if we're all standing still. And when the chips are down, you know that we will carry on. As long as we're doing it, we can't do it wrong. Yeah, we'll all carry on. 'Cause as long as we're doing it, we can't do it wrong. Vous ne trouvez pas que Ringo Starr fait encore de bonnes chansons? Et là, c'était en 2010. Il est 22h et Eric n'est pas là. Donc, on continue encore un petit peu. Ah, cette belle face B, Deep Blue, que vous retrouvez sur l'album Living in a Material World remasterisé de George Harrison. Darkness, they're so easy come by on the roadside from one long lifetime. It's got me deep blue. No, I'm deep blue. When you stand there, watch tired bodies full of sick. Show you just a helpless. You really are when you get down to the truth. It hurts me. It's got me deep blue. me deep blue. No, I'm deep blue. When I think of the life I'm living, pray God help me. Give me your light so I can love you and understand this repetition that keeps me here. So easy come by on the roadside, one long lifetime. You know I'm deep blue, got me deep blue. You know I'm deep blue, it's got me deep blue. You know I'm thank you. en 1973. Et à ce moment-là, John Lennon nous dit « Ah, bawa kawa, poussez, poussez ». C'est clair. Celle-ci, j'ai envie de la passer parce que je l'ai entendue à la radio il y a un ou deux jours. Alors je me suis dit, tiens, il y a longtemps qu'on ne l'a pas passée. « It's all too much », extrait de l'album « Yellow Submarine », le dessin animé. Pas la meilleure de George Harrison, mais sympa quand même. We'll be right back. plutôt, ce qu'on serait en train de se dire, c'est est-ce que cette chanson, ce serait pas un peu too much? Si je devais en choisir une de George Harrison, je préférerais celle-ci, I Need You, sur Help. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? When it hurt me, I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. He's a real nowhere man sitting in. In his nowhere land, making all. Let's go back. Won't you? Voilà pourquoi j'avais mis cette chanson en dernier, pour le faire l'enchaînement. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Avec le générique. C'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté aussi longtemps. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis n'oubliez pas que lorsque je suis tout seul à la radio, c'est un peu comme les films Marvel. Quelquefois, après le générique, il y a une petite scène post-générique. Ça peut arriver. Quelquefois, non, mais ça arrive. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Allez, à très très bientôt. Salut. Merci George Harrison, merci les Beatles, et cette fois-ci c'est terminé. Bye bye.